C'est tentant. Le tracteur ne roule pas vite. Je pourrais suivre cette camionnette, mais j'aperçois les flèches de rabattement à quelques mètres devant moi et un peu plus loin, un poids lourd qui vient vers nous. Dans quelques secondes, la camionnette va totalement masquer la visibilité devant moi. Je ne vais pas me lancer à l'aveuglette derrière elle. J'attends une autre occasion. Réponse B.